Wesh, wesh, viens ou quoi? Wesh, wesh, ok, merde. Ok, je fais pas le show, mais j'impose mon flow. Sur l'album délaissé de rupture. 92 et tu ressens jamais sans fracture. Ouais, du 92 au 83, on est tous en la loi. Je représente tout milieu bois. Ouais, c'est pour mes barbares qui foutent le tawa. Mais fais gaffe à toi, ça recrute du côté des chemins tard. 92, 83, on abat tous ces carbats. 92, BMR, fais ta prière. Ouais, on improvise, tu connais la devise. On survit malgré la crise et on embobine toutes ces brigades de police. Avec les laissés structures. Ouais, on fait la place pour que ça rapporte un max. Tu sors le T-Max, fais péter les watts, les caillasses la base. Ouais, c'est le rap pour vous voir. Ouais, mais dans nos rues, y'a plus d'espoir. Ok, les laissés structures. 1392, BMR. Tout ça rêve sur le terre. Wesh, wesh, bien ou quoi? Wesh, wesh, bien ou quoi? Dans mon 92, raconte mes dérotes, gars. Et ouais, Royage, lève mon troisième doigt. Il enfonce bien profond dans le trou le bas de l'état. On veut se mettre à l'aise en montant des merguez. On en a marre de la misère, alors je la prends par derrière. Je la fais monter en l'air. C'est pour Nanterre, c'est pour Bagneux. Ouvre ta bouche, tu vas me sucer la queue. C'est pour les jeunes, les vieux, les mecs de banlieue. Ici, y'a trop de suceurs de pique. Malheureusement, on est toujours en conflit avec ces conflits. C'est triste, mais c'est la vie qui veut ça. C'est hardcore, comme y'a eu trop de morts. Comme je nique les porcs. C'est facile de venir te soulever quand tu dors. Alors je frappe fort, mes frères. Faut que la France comprenne qu'on est là pour vous baiser. Y'a trop de pédés, trop d'enculés, trop de traînés. Ils veulent nous boycotter, alors je passe une dédicace à monsieur Nicolas. Tu suis bien, mais retourne taper au bois. Explique-moi pourquoi je galère à m'acheter mes DN. Moi je te réponds, c'est parce que la France nous gagne. Alors je leur casse le zen. Je peux pas rester zen, nique le fasciste de Le Pen. 92 bang bang.